Très bien. Alors, je voudrais signaler à l'intention de la room des auditrices et des auditeurs qui nous ont suivis jusqu'à présent que il y a deux livres, Misère du désir, pardon, excusez-moi, et Chute, qui sortent en édition de poche en un seul volume le 1er octobre, bien sûr, écrit par Alain Soral. Oui, parce que je ferai une petite remarque. Il y a beaucoup de gens me connaissent par Internet, mes interventions orales un peu improvisées, mais finalement, peu de gens connaissent mes écrits, ou alors Voilà. les abécédaires qui datent déjà d'une dizaine d'années. Donc je dis, si les gens veulent savoir quel est l'état de ma pensée plus actuelle, qu'ils lisent mes deux derniers livres, qui sont Misère du désir et Chute, voilà, qui sont un essai et un roman, mais qui ont à voir avec tout ce dont je parle en ce moment et qui sont les plus actuels. Parce que souvent, on me cite des phrases de Jusqu'où va-t-on descendre que j'ai écrites en 2002. Alors, j'évolue comme tout le monde, et aujourd'hui, on est, comme chacun sait, en 2009. Hein. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'Alain Soral participe au magazine Flash, qui est un journal transcourant sur la ligne égalité et réconciliation, qui est mis en vente tous les 15 jours et seulement par abonnement, et où Alain Soral donc anime un bloc-notes. Voilà. Je voulais donc Oui, apporter et ce dont on peut dernier. trouver le lien sur le site Égalité et Réconciliation et sur mon site personnel. Voilà. Très bien. Donc je voudrais, si vous permettez, Alain Soral, transmettre mes vifs remerciements donc à la Room Ensemble contre le Nouvel Ordre Mondial pour avoir organisé cette conférence à laquelle vous vous êtes prêté avec beaucoup de générosité, il faut le reconnaître, Au et de départ. patience, Mais ça fait partie de effectivement. mes qualités, la générosité et la patience. Tant mieux. J'ai Et d'autres défauts. je voudrais, on en a tous, hein, rassurez-vous. Et je voudrais aussi remercier en particulier les admins qui ont fait un remarquable travail, puisque apparemment tout s'est très bien passé, je pense en tous les cas. Je voudrais remercier bien sûr les auditeurs et les auditrices qui nous ont suivis jusqu'à présent. Je voudrais vous signaler, Alain Soral, que nous avons atteint dans le courant de cette conférence un pic de 360 auditrices et auditeurs. Je voudrais en particulier remercier bien sûr Abdeslam et Samir, parce que ce sont eux qui ont fait l'approche vis-à-vis de vous pour organiser cette conférence. Et je voudrais aussi remercier en particulier Super Vegeta, parce qu'il a assuré la liaison avec la Paul Talk sur la Room, et il l'a fait de manière remarquable. C'est sûr que techniquement ça a été possible, il n'y a pas eu de rupture. Donc je voudrais aussi bien sûr vous remercier, vous Alain Soral, de, donc encore une fois, de vous être prêté avec beaucoup de souplesse et beaucoup d'éloquence à toutes les questions qui vous ont été posées, même les plus délicates. Effectivement, je pense que nous avons fait le tour de la question, et je vous souhaite bon courage dans vos projets et dans vos activités. Ce n'est pas une mince affaire. Et je souhaite bien sûr une bonne fin de soirée à toutes les personnes présentes sur la room Ensemble contre le Nouvel Ordre Mondial et sur l'autre room, parce qu'il faut savoir, Alain Soral, qu'il y a finalement deux rooms qui ont suivi en direct votre conférence. Je vous laisse donc le. Ah, c'est bon, vas-y, vous pouvez Bon. continuer. Bon, donc je voulais vous remercier d'avoir pensé à moi comme intervenant, puisque j'ai vu qu'il y avait Michel Collomb avant, et qui est quelqu'un que je respecte, dont je respecte le travail. Ce que j'espère, c'est que ce débat, même si c'est un débat à distance, va circuler sur Internet, parce que c'est le seul média que le pouvoir nous laisse, entre guillemets, parce qu'il n'a pas le choix, et qui va circuler, qui va susciter la discussion, la prise de conscience. Et permettre des rapprochements, parce que nous devons lutter en permanence contre les manipulations les uns les autres. J'ai vu sur Internet la façon dont les sionistes se sont organisés pour me diaboliser au maximum, sachant qu'il y aurait beaucoup de musulmans, de gens issus de notre ancien empire colonial qui viendraient. Il y a toujours effectivement ce côté manipulateur d'essayer de créer de la division, de la haine par tous les moyens. Donc je suis content de voir que malgré ça, le message passe. Le débat existe, la fraternité progresse. Voilà, moi je mène un combat de fraternité, de réconciliation, parce que j'aime la France et que je voudrais que toutes les composantes de la France telle qu'elle est participent à sa grandeur et à son génie. Voilà, il faut comprendre que je suis un nationaliste français et de comprendre que c'est de là que part mon combat. Hein, voilà. Et donc j'espère que ce long débat. Avec ces questions qui m'ont été posées, on a bien fait le tour de la question, vont circuler dans les jours qui viennent sur le net un peu partout et vont susciter des réflexions, des rapprochements, lever des hypothèques et des malentendus. Voilà. Et si c'est ça, ben, j'aurais été content d'y participer parce que je suis, moi, un débatteur. Je suis un passionné de la discussion de bistrot et qui est le lieu de la démocratie française absolue pour moi. J'ai beau avoir l'âge que j'ai et le parcours que j'ai, je ne refuse jamais un débat face à des gens, je dirais, de bonne volonté, honnêtes et un peu intelligents. C'est pour ça que je débat avec tous les musulmans que j'ai rencontrés, car je les ai toujours trouvés honnêtes et sincères, même si parfois un peu colériques et un peu émotifs. Et par contre, c'est pour ça que je ne débat plus avec les sionistes, car je me suis rendu compte que les sionistes, finalement, ne pratiquaient systématiquement que la manipulation et le mensonge, et que le débat ne les intéressait pas. J'en suis déçu, parfois même désespéré, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc, je veux bien dialoguer demain, après-demain, avec tous les gens de bonne volonté, sincères, honnêtes et maîtrisant bien cet outil merveilleux qu'ont inventé les Grecs et qu'ont sans doute relayé les musulmans comme les chrétiens, qui s'appelle le logos. Voilà. Hein. Donc, de l'honnêteté et de la logique. Voilà. Bien à vous tous. Eh bien, bonsoir Alain Soral. À bientôt, espérons-le peut-être, dans le cadre, peut-être prochainement, si c'est possible et si c'est faisable, d'un échange que nous essaierons d'organiser avec d'autres intervenants dans leurs spécialités respectives, économistes ou sociologues. Et puis, on essaiera bien sûr de faire rencontrer donc des gens comme vous et ces gens-là, ou comme Michel Collomb, par exemple. Oui, si vous Ou pouvez d'autres. vous établir des médiations, il est toujours bon que les gens communiquent en direct avec les gens, parce que nous sommes tous victimes de tas de manipulations, et souvent les hypothèques se lèvent quand les gens peuvent dialoguer en direct. Vous voyez, c'est important. Et je fais remarquer que tout ce débat, qui peut être parfois tendu, se fait quand même en français, et c'est ça que je fais remarquer à nos ennemis, c'est que ces Français d'origine algérienne, dont on peut soupçonner ceci et cela, s'expriment comme d'ailleurs les Marocains, les Tunisiens et tous ces gens du sud de la Méditerranée dans un excellent français qui est ma langue et contribue au rayonnement de la francophonie et participe du génie français parce que quand on s'exprime en français, on s'exprime forcément un peu quelque part comme un français. Et un musulman qui parle, qui exprime sa foi musulmane en français, eh ben c'est forcément un musulman français pour moi, si on comprend bien le lien entre la pensée et la langue. Voilà, je conclurai là-dessus.